au fond, aux meilleures places, sommeillaient, l'un en face de l'autre, monsieur et madame Loiseau, des marchands de vin en gros de la rue Grandpont. Ancien commis d'un patron ruiné dans les affaires, Loiseau avait racheté le fonds et fait fortune. Il vendait à très bon marché de très mauvais vins aux petits débitants des campagnes et passait parmi ses connaissances et ses amis pour un fripon madré, un vrai normand plein de ruse et de jovialité. Sa réputation de filou était si bien établie qu'un soir, à la préfecture, M. Tournelle, auteur de fables et de chansons, esprit mordant et fin, une gloire locale, avait proposé aux dames qu'il voyait un peu somnolentes de faire une partie de « l'oiseau vole ». Le mot lui-même vola à travers les salons du préfet, puis, gagnant ceux de la ville, avait fait rire pendant un mois toutes les mâchoires de la province. Loiseau était en outre célèbre pour ses farces de toute nature, ses plaisanteries bonnes ou mauvaises, et personne ne pouvait parler de lui sans ajouter immédiatement « Il est impayable, ce Loiseau ». De taille exiguë, il présentait un ventre en ballon, surmonté d'une face rougeaute entre deux favoris grisonnants. Sa femme, grande, forte, résolue, avait la voix haute et la décision rapide, était l'ordre et l'arithmétique de la maison de commerce qu'il animait par son activité joyeuse. À côté d'eux se tenait, plus digne, appartenant à une caste supérieure, M. Carré Lamadon, homme considérable, posé dans les cotons, propriétaire de trois filatures, officier de la Légion d'honneur et membre du Conseil général. Il était resté tout le temps de l'Empire chef de l'opposition bienveillante, uniquement pour se faire payer plus cher son ralliement à la cause qu'il combattait avec des armes courtoises, selon sa propre expression. Madame Carré Lamadon, beaucoup plus jeune que son mari, demeurait la consolation des officiers de bonne famille envoyés à Rouen en garnison. Elle faisait vis-à-vis à son époux, toute petite, toute mignonne, toute jolie, pelotonnée dans des fourrures et regardait d'un œil navré l'intérieur lamentable de la voiture. Ses voisins, le comte et la comtesse Hubert de Bréville, portaient un des noms les plus anciens et les plus nobles de la Normandie. Le comte, vieux gentilhomme de grande tournure, s'efforçait d'accentuer, par les artifices de sa toilette, sa ressemblance naturelle avec le roi Henri IV, qui, suivant une légende glorieuse pour la famille, avait rendu grosse une dame de Bréville, dont le mari, pour ce fait, était devenu comte et gouverneur de la province. Collègue de M. Carré Lamadon au Conseil général, le comte Hubert représentait le parti orléaniste dans le département. L'histoire de son mariage avec la fille d'un petit armateur de Nantes était toujours demeurée mystérieuse. Mais, comme la comtesse avait grand air, recevait mieux que personne, passait même pour avoir été aimée par un des fils de Louis-Philippe, toute la noblesse lui faisait fête et son salon demeurait le premier du pays, le seul où se conserva la vieille galanterie et dont l'entrée fut difficile. La fortune des Bréville, tout en bien fond, atteignait, disait-on, 500 000 livres de revenus. Ces 6 personnes formaient le fond de la voiture, le côté de la société rentrée, sereine et forte, des honnêtes gens autorisés qui ont de la religion et des principes. Par un hasard étrange, toutes les femmes se trouvaient sur le même banc, et la comtesse avait encore pour voisine 2 bonnes sœurs qui égrenaient de longs chapelets en marmonnant des patères et des avés. L'une était vieille, avec la face défoncée par la petite vérole, comme si elle eût reçu à bout portant une bordée de mitraillettes en pleine figure. L'autre, très chétive, avait une tête jolie et maladive, sur une poitrine de phtisique, rongée par cette foi dévorante qui fait les martyrs et les illuminés. En face des 2 religieuses, un homme et une femme attiraient les regards de tous. L'homme, bien connu, était cornu dès le démoc, la terreur des gens respectables. Depuis 20 ans, il trempait sa grande barbe rousse dans les bocs de tous les cafés démocratiques. Il avait mangé avec les frères et amis une assez belle fortune qu'il tenait de son père, ancien confiseur, et il attendait impatiemment la République pour obtenir enfin la place méritée par tant de consommation révolutionnaire. Au 4 septembre, par suite d'une farce peut-être, il s'était cru nommé préfet. Mais quand il eut voulu entrer en fonction, les garçons de bureau, demeurés seuls maîtres de la place, refusèrent de le reconnaître, ce qui le contraignit à la retraite. Fort bon garçon, du reste, inoffensif et serviable, il s'était occupé avec une ardeur incomparable d'organiser la défense. Il avait fait creuser des trous dans les plaines, couché tous les jeunes arbres des forêts voisines, semé des pièges sur toutes les routes et, à l'approche de l'ennemi, satisfait de ses préparatifs, il s'était vivement replié vers la ville. Il pensait maintenant se rendre plus utile au Havre, où de nouveaux retranchements allaient être nécessaires. La femme, une de celles appelées galantes, était célèbre par son embonpoint précoce qui lui avait valu le surnom de boule de suif. Petite, ronde de partout, grasse à l'art, avec des doigts bouffis, étranglés aux phalanges, pareille à des chapelets de courtes saucisses, avec une peau luisante et tendue, une gorge énorme qui saillait sous sa robe, elle restait cependant appétissante et courue, tant sa fraîcheur faisait plaisir à voir. Sa figure était une pomme rouge, un bouton de pivoine prêt à fleurir, et là-dedans s'ouvraient, en haut, deux yeux noirs, magnifiques, ombragés de grands cils épais qui mettaient une ombre dedans. En bas, une bouche charmante, étroite, humide pour le baiser, meublée de quenottes luisantes et microscopiques. Elle était de plus, disait-on, pleine de qualités inappréciables. Aussitôt qu'elle fut reconnue, des chuchotements coururent parmi les femmes honnêtes, et les mots de « prostituée », de « honte publique » furent chuchotés si haut qu'elle leva la tête. Alors, elle promena sur ses voisins un regard tellement provoquant et hardi qu'un grand silence régna aussitôt. Et tout le monde baissa les yeux, à l'exception de l'oiseau, qui la guettait d'un air émoustillé. Mais bientôt, la conversation reprit entre les trois dames, que la présence de cette fille avait rendue subitement amie, presque intime. Elle devait faire, leur semblait-il, comme un faisceau de leur dignité d'épouse en face de cette vendue sans vergogne, car l'amour légal le prend toujours de haut avec son libre confrère.